Comment dit-on? Il me le faut aujourd'hui si possible. Autrement dit, mot à mot en italien, je dois l'avoir aujourd'hui si c'est possible. Aujourd'hui, c'est oggi. O de gi. Les deux g se prononcent j. Oggi. Donc, dites-moi, je dois l'avoir aujourd'hui. Deve. Je dois. Devo. Pas devo, mais devo. Devo averlo aujourd'hui. Devo averlo oggi. Si c'est possible. Si. Attention à la fin du mot. Ce n'est pas un i, mais. C'est. C'est est possible. Devo averlo oggi se è possibile. Pour demander un renseignement, en italien comme en français, on peut utiliser le verbe pouvoir et dire pouvez-vous me dire comment diriez-vous ça en italien? Pouvez-vous me dire può dirmi? Può dirmi, c'est ça. Alors, dites-moi, pouvez-vous me dire où il est? Può dirmi dove? Oui, può dirmi dove? Pouvez-vous ou est-ce que vous pouvez, comme nous venons de le voir, se dit può. Mais on emploie aussi ça pour demander un renseignement. Là où en français on dirait le plus souvent pouvez-vous. Donc, par exemple, comment diriez-vous « Pouvez-vous me dire où il est ?» Mot à mot, savez-vous me dire où il est ? Sa dirmi dove ? Sa dirmi dove ? Oui. Dove, D-O-V-E, veut dire où. Et où il est se dit dove. C'est-à-dire que dove est se contracte en D-O-V apostrophe E accent grave, parce que le E final de dove tombe. Et ça, c'est vous savez ou savez-vous. Et dans certains cas, pouvez-vous. Trouver se dit trovare. T-R-O-V-A-R-E. Trovare. C'est presque pareil qu'en français. Alors, comment diriez-vous, pouvez-vous ou mot à mot, savez-vous me dire où il est parce que je ne le trouve pas? Sa dirmi. Oui, sa dirmi, où il est. Sa dirmi dove? Parce que. Perché? Je ne le trouve pas. Non lo trovo. Bien, sa dirmi dove? Perché non lo trovo? Comment dit-on j'ai? Oh. Oh. Oh. Oh, oui. Maintenant, pour dire je l'ai, c'est un peu particulier. Qu'est-ce que ça devrait donner normalement, je l'ai? Lo ho? Oui, mais il faut faire une contraction ici. Parce que ces deux O à la suite l'un de l'autre ne sont pas très jolis. Donc, le O se contracte en L'O. L'O, oui. L apostrophe H-O. L'O. Mais je vous ai dit qu'il y avait une particularité dans la traduction de je l'ai. Et cette particularité, c'est qu'on ajoute CHE au début. CHE. C-E. Pour avoir cello. Ce che annonce en quelque sorte l'arrivée de lo et permet de ne pas le confondre avec lo en un seul mot, lo. Pour vous en souvenir, dites-vous que c'est comme si en français on disait ça, je l'ai, d'accord? Donc, je l'ai, cello. Et je ne l'ai pas? Non ce l'ho. Non ce l'ho. Dites-moi maintenant, vous l'avez. La. Non, pardon. Cella. Bien, cella. Là encore, le che annonce l'arrivée de la et permet de le distinguer de la en un seul mot, la. Et comment diriez-vous, pourquoi ne l'avez-vous pas maintenant? Perché non c'è la maintenant? Ora. Voilà. Perché non c'è la ora? Et je veux la voir? Voglio averlo. Voglio averlo. Alors, avoir se dit avere. L'avoir, averlo. Et je veux l'avoir, voglio averlo. Bon, dites-moi encore une fois, je veux. Voglio. Et comment dites-vous, je le veux? Lo voglio. Très bien, oui. Lo voglio. Je le veux. Et je le veux maintenant? Lo voglio ora. Lo voglio ora. Et je ne le veux pas maintenant? Non lo voglio ora. Oui, non lo voglio ora. Et comment diriez-vous, pourquoi ne le voulez-vous pas maintenant? Perché non vuole ora? Pourquoi ne le voulez-vous pas maintenant? Perché non? Perché non lo vuole ora? Bien. Perché non lo vuole ora? Pourquoi ne le voulez-vous pas maintenant?